de maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit le Watibé. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Watibé, c'est maintenant sur Skyrock. Yeah. Allez, c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bienvenue. Comment ça va l'équipe du Watibé? Monsieur Tal est là. Aïe. Non, j'ai pas été galant, pardon, excuse-moi. Non, t'as pas été galant. J'ai pas été galant du tout. D'habitude, tu le fais bien, mais là, non, franchement, Linda, t'as merdé. Linda Chirez, ça va Linda, en pleine forme? Oui, toujours. Tout va bien? Oui. Dry qui fait son entrée aussi, donc. Et bon, on peut y aller, on peut saluer tout le monde. Comment ça va? Masca qui est là aussi à mes côtés, bienvenue Masca. Ça va, Fred, en pleine forme? Ouais, ça va, au calme. Tout va bien avec ce joli petit soleil qui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la Vendetta aussi. Et quoi. Vendetta qui est là, Girochrome, Doomams. Ils sont là. Mais ils ne sont pas encore venus avec le morceau que tout le monde attend. Non. Franchement, vous l'avez ramené là ou quoi? Ou pas les gars? Vous l'avez pas? Putain, vas-y, c'est toujours comme ça avec vous. Vous avez pas tarlé ouf? Vendredi. Bon, vendredi, il faut passer encore deux soirs. Vendredi, frère, vendredi, premier extrait officiel du projet précis. Vendetta à découvrir. Exactement. Sur Skyrock. Voilà. Ce sera entre 20 et 21. Qu'est-ce qui se passe, Dry? Je garde la meilleure pour la fin. J'avoue. Le mec essaye de s'en sortir. Oui, je sais. Là, hein. J'ai essayé. Désolé, Linda. On n'en veut pas. J'ai essayé de rattraper. J'étais piégé par Dry. Ouais. Et oui, Charlie Bell est là. Comment ça va? Ça va très bien, toi? En pleine forme? Super. C'est dur, les cheveux, là. Hein. Un peu dur, mais je vais y arriver. C'est un peu dur. Avec le casque, c'est un peu compliqué. Bon, bah, bienvenue, en tout cas, dans ce Planet Rap. On va saluer tous ceux qui ont passé bac philo aujourd'hui. Les épreuves de philo, l'ouverture des épreuves pour le baccalauréat 2015. J'espère que tout s'est bien passé. Tiens, dites-nous, envoyez un petit message avec le hashtag Watibé sur Skyrock. Et ben, j'espère que tout s'est bien passé. Là, on est là pour vous détendre. Donc on va oublier le bac, les sujets, les machins, les trucs. Et on va se consacrer sur tous les sons du Watibé. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de surprises cette semaine. Ouais, beaucoup de nouveautés. On a beaucoup d'exclus, beaucoup de live. Ouais. Il y aura encore du live tout à l'heure. Charlie, tu vas chanter? Oui. J'adore quand tu chantes. C'est vrai? Ouais. Merci. Donc tu chanteras tout à l'heure. Linda, pareil, tu chanteras aussi tout à l'heure? Aussi. Très bien. On écoutera Cercueil de Nain. Ça, c'est un freestyle qui a été balancé. Voilà. Ça c'est pas un morceau du projet Vendetta. Exactement. C'est un morceau c'est un freestyle. Hein. Donc sois bien d'accord, c'est un freestyle qu'on a balancé. Histoire de dire que voilà, on est de retour, tout ça. Et franchement, on a eu grave des bons retours sur le freestyle. Donc voilà, ce soir, on va le jouer en exclu sur Skyrock. Il s'appelle Cercueil de Nain, on pourra le découvrir tout à l'heure, mais comme chaque soir. On commence par Ma Jolie. Moment de détente totale. Ma Jolie. Allez, que tout le monde chante sur ce morceau, Ma Jolie, Ma Jolie. Eh, hey Charlie, vas-y, chante. Tu vas chanter aujourd'hui sur le morceau. Hein. Shin Sekai. Toi aussi, Gir, tu vas chanter. Vas-y. Makere. Oh, Ma Jolie. Tu sors dans le dos de tes frères, Makele. T'excelles dans savoir-faire, Makele. Makele. Je vais pas me jeter sur toi, j'aimerais te voir le matin, Makele. Une femme ou œuvre d'art, ton visage est repeint, Makele. Pas d'histoire, on sait tous d'où tu viens, Makele. T'as eu tous mes gavards, ta beauté n'est qu'une fin, Makele. Fantin sur le col, rouge à lèvres sur la joue, on sait que t'es basé par là. La lumière éteint ta beauté, voit le jour pour le reste d'un bon débat. Chez toi t'es une sainte, mais en bois tu nous roules, ma soeur tu nous mets dans le bala. Malgré ça t'arrives à charmer ceux qui refusent de voir. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage, maquette. Suis donc tu n'es pas fier, maquette. Tu sors dans le dos de tes frères, maquette. T'excelles dans savoir-faire, maquette. ta vie dans le club mendiant. Du champagne aux gens, clochard ne fais pas semblant. Tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non, non, non, non. Dis-moi, qu'est-ce que tu prêtes à faire pour l'oseille? Tu nous fais ta princesse, en effet, tu ne manques pas de cran. Tous tes faits et gestes sont faits par intérêt. Tu crèves des cœurs pour crever l'écran. J'ai dit Mac, elle est Mac, elle est Mac, elle est un. Non, mon gaba, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Mac, elle est Mac, elle est Mac, elle est un. J'ai dit Mac, elle est Mac, elle est Mac, elle est un. Non, mon gaba, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Mac, elle est Mac, elle est Mac, elle est un. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. Enlève, maquillage, enlève, maquillage. Enlève. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage, ma gueule. Celui dont tu n'es pas fier, ma gueule. Tu sors dans le dos de tes frères, ma gueule. T'excelles dans savoir-faire, ma gueule. Ma gueule est descendue ce soir pour nous embrouiller l'esprit. La seconde où tu redeviens toi. Je vois les hommes taper un sprint. Ne sais pas te renier. Accepte le visage que maman t'a donné. Montre pas la vérité. Il y a que ton miroir qui te reconnaît. Mais que ton visage est aussi beau que celui de Mr Bean. Makele 1, 2, 3, abracadabra et merci le contouring. Makele. Ce n'est pas ta faute, ce que tu vois à la télé te pousse à toujours vouloir être parfait. De chine, c'est que réagis, prends confiance en indéfini. Toi, tu nous fais de la peine. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ah, enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage, ma gueule. Celui dont tu n'es pas fier, ma gueule. Tu sors dans le dos de tes frères, ma gueule. T'excelles dans savoir-faire, ma gueule. Voilà ce morceau qui s'appelle Ma Jolie, le clip est arrivé, yeah. Il est dispo. Le clip est arrivé, il est dispo, allez tous le regarder, c'est un très très gros clip réalisé par Chris Macari, donc allez le voir, c'est vraiment une grosse expérience. Le son est aussi disponible sur iTunes, donc allez vous le procurer, c'est ensemble, on est ensemble, c'est loi type, vous connaissez. Pour l'avoir vu, je peux dire qu'il est débarre le clip. Il est débarre. Tu n'as pas été invité d'ailleurs sur le tournage de clip, Si, mais malheureusement j'ai pas pu venir. Mais dommage. Dommage, ouais. Dommage. J'ai pas pu être présent, mais tranquille là. Ils n'étaient pas invités. Et il y en a qui étaient pas dry. Dry, c'est une réclamation. Watibé, des clips, on en fait toute l'année. Hein, donc. On en fait toute l'année, donc ils peuvent pas venir à tous. Ah, bien sûr, ouais. Malheureusement. Bien sûr. En tout cas, le son est dispo sur iTunes et le clip sur YouTube. Et rappelez le regarder. Il y a un petit jeu aussi avec. Il y a un petit jeu aussi, d'ailleurs. Avec ce morceau. D'ailleurs, c'est un truc de ouf parce que Kev Adams nous a envoyé une petite vidéo. J'ai vu, elle était grave. Franchement, ça nous a fait grave plaisir. Il a envoyé une petite vidéo où il dansait sur le son Makele. Donc continuez tous à nous envoyer vos vidéos avec le hashtag Majoli sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Et on les repartagera. Donc, vous prenez un petit bout du refrain. Ouais, voilà, vous prenez un petit bout du refrain et voilà, on partagera. C'est cool. Très bien, donc allez faire un tour, allez cliquer évidemment. Watibé sur Skyrock toute la semaine entre 20 et 21. Dans un instant, il y aura un morceau qui s'appelle Cercueil de Nain à découvrir. On mettra le morceau de Dr Belize aussi. Ouais, à force. À force d'ici un quelques minutes. Qu'on attend beaucoup. Ça arrive, il y a le titre de Lefa aussi, l'intro de Lefa. Restez connectés, restez branchés pardon, ouais. Le titre qui s'appelle Intro, pas Restez branchés. Non, restez branchés, c'est pour avoir plus d'infos sur le fin. On le mettra dans un instant. Mais j'ai envie aussi de parler avec Charlie qui est là, qui nous a rejoint ce soir. Oui. Charlie, quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois? Eh ben écoute, depuis la dernière fois, ça bosse toujours sur mon album. Donc voilà, je bosse, ça bosse. Et puis je t'en dirai plus à la rentrée. Donc c'est plutôt rentrée 2015. Plutôt, ouais. Pour les premiers extraits. Exactement. D'accord, donc c'est un album qui arrive. Qui arrive, c'est en préparation. Quelqu'un a écouté autour de la table? Ah, Mascara. Ça parle pas beaucoup. On sait que Charlie, non mais t'inquiète, on sait que Charlie elle travaille. Elle est en train de préparer un très très gros projet. Franchement, elle nous a fait écouter quelques morceaux, tout ça. Bah oui, je t'ai fait écouter quelques trucs. Ouais, on s'est fait décoiffer, c'est tout ce que je peux te dire. Ah, c'est ça, je me disais, est-ce qu'il y a... Voilà, moi je me suis fait décoiffer. Ouais. Je me suis fait décoiffer, j'essaie de rattraper la coupe. Voilà, Masca, tu voulais, j'étais vu aller vers le micro aussi pour nous dire quelque chose. Il était un peu loin le micro, c'est ça que tu n'as pas entendu, le temps que je vienne à lui. Non, Charlie, c'est une artiste et une amie aussi qu'on connaît depuis maintenant 6 ans. Donc en termes de mélodie, d'artistique tout simplement, nous, elle n'a plus rien à nous prouver. Maintenant, il y a la France à conquérir, à convaincre. Et nous, on a confiance en elle à 1000% parce qu'on aime et on connaît un peu la musique et on sait vraiment que c'est vraiment de la qualité ce qu'elle fait. Donc lourd. Merci, franchement, Masca. Charlie, ça très fait 5 ans qu'elle nous est pas. Donc après les vacances, il y aura après du son. Après les vacances, voilà. Et d'ici là, on peut te suivre. Rappelle-nous, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Charlie. Il y a mon Twitter, Charlie Belle Musique, mon Facebook, Charlie Belle Officiel, et puis Instagram, Charlie Belle Musique aussi. Très bien. Arrivée de Monsieur Elio Petrodollar dans les studios. Petrodollar. Salut. Comment tout le monde va? Et la Petronation. Ça va, et toi, mon gars? Yeah. On est là, tu connais. Hier soir, on a eu le droit à du live hier avec quelques Elio Petrodollar. Quelques gens ont bien aimé. Quelques petites gouttes d'or noir, en effet. Le Planète Rap Wattib, on met un morceau, on repart sur quoi? Sur le fin? Intro le fin? Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Très, très très sale ce morceau. Négro, si tu viens de naître, je te conseille de pas t'improviser, maître. 2000, accroche-toi parce que ça va chier. Assis-toi si ton cœur n'est pas en acier. Si t'as des couilles, c'est tout à ton honneur. À ton honneur. Ça suffit pas pour faire de Watt un mec en or. Non. La réalité est crue et cruelle. Je l'ai vu baiser la fiction dans une ruelle. En preuve d'amour, moi je suis un radin. J'ai pas laissé mon cœur au vestiaire, mais dans les gradins. Avec le peuple, avec mes potes. L'histoire se répète, on ouvre des portes. Bah. Tu sais la merde, on la connaît, la Hesse nous a cogné. Donne le pognon que les moteurs des caisses se mettent à grogner. C'est notre vengeance, on vivait sans Jean A. Pendant que les gens s'en foutaient de chansons A. Tu sais le succès, on vivait sans ça. Maintenant les gens nous suçaient, sont devenus sociables. Rap game, je t'ai baisé, mais s'il te plaît, ne tombe pas enceinte. Combien de fois faudra-t-il que je te dise qu'on n'est pas ensemble? Négro, je vais faire du sale, donc prévois les pansements. Tu pensais que j'étais game over, bah tu sais quoi, pense-moi. Je suis pas comme toi, je me suis pas inventé de perso. J'ai cette envie de tout niquer depuis le berceau. Ma colère, je la coffre, je l'emmagasine. Et quand je craque, je disparais, je change ma carte team. Comment dire à tous ceux qui s'improvisent amis que je les déteste comme les femmes détestent la polygamie. J'aime pas non plus les teutrés, les faux frères. Mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Faux frères, mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Je te connais pas gros, je prends mes distances. Les hypocrites m'ont suffisamment pourri l'existence. Laissez-moi, j'ai pas la tête à réfléchir. Le projet c'est tout rafler sans jamais fléchir. De l'autre côté c'est trop maigre, ils ont qu'à pousser. Ils ont qu'à bosser, je vais les éclabousser. Je suis pas encore dead, vous pouvez pas encore me tèche. D'ailleurs j'espère que seuls les frères suivront mon cortège. Tu peux te dire waouh Fall, t'as pris du niveau. Merci mais ton sang va couler dans les caniveaux. Vous pouvez la peur, bande d'acteurs, vous n'êtes pas réglo. Vous ne faites pas le poids, ce chapitre me paraît clos. Rien à foutre de savoir ce que les rival. Ici c'est Paris, c'est tribal, limite cannibale. Arrêtez de me parler, j'suis pas d'humeur à des barres. Et vous puissiez pas la peine de me comparer, j'n'ai aucun rival. Pas besoin d'insulter des mères ou de crier bang bang. Pas besoin d'une meuf qui twerk à côté d'une belle benz. Ah et puis bang bang, c'est pour mes berbères. Monte sur le ring mais fais pas le rage aussi tu dois perdre. Y'a pas de pleine lune ici avec des réverbères. Les longs carrousse qu'on seront de l'air pèse. L'air pèse. Tu me connais toi, tu me connais toi, tu me connais toi. Tu me connais pas, tu me connais pas. Le Planète Rap spécial Wattibé sur Skyrock et que de surprises dans ce Planète Rap. Que de surprises, ouais. Juste derrière toi, j'ai vu que le président était parmi nous. Sa Majesté. Sa Majesté est là. Mais je pense que l'on peut applaudir le retour. Le retour du président dans président le Planète Rap. Est là. Sa Majesté. Ça c'est signal. Monsieur Barack Adama qui est là avec son nous. Son Excellence. Son Excellence. Aïe, aïe, aïe, aïe. Comment allez-vous là? Eh bah, ben surtout toi, comment ça va? Non, Fred, tu dois le vouvoyer. Pardon. Non. N'écoute pas ce jeune imbécile. Ce jeune fougueux. Talentueux, mais. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Comment ça va, Barack? Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Au calme. Et toi, Fred? Ben depuis tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu de repos, un peu pris du temps pour vivre. J'ai pris un peu de poids ces derniers temps, donc ça veut dire que là, je suis en sport, tu vois. Et non, ça va, écoute, Barack ne chôme jamais. Ça veut dire que même si j'étais pas là, on a ouvert des magasins avec Oscar, avec Black M, on est dessus. On fait des fives, on s'est mis un peu dans le business. Oui, ça veut dire que même si t'étais pas en avant-plan. Voilà, j'étais derrière. Tu étais derrière. Et puis on réalisait les albums des autres aussi, tu vois. Donc t'as continué à être dans la musique, à écouter beaucoup de sons. Ouais, bah écoute, l'album de Black, on l'a réalisé ensemble. Muggy, pareil. Masca, pareil. Dry. Pareil. C'est-à-dire que voilà. Et le tien ? Écoute, qui vivra verra, j'ai envie de te dire. Comme dirait un gars, un grand homme nommé H. Magnum. Que j'ai vu dans le coin d'ailleurs, oui, H. Magnum. Si j'ai vu. Bon, tu connais, on marche toujours ensemble. Hein. Mm-hmm. Et voilà, d'ailleurs, il a sorti un nouveau morceau. Gros, magnifique. Camito avec Black M, magnifique. Je me bute avec de ma caisse que je n'ai plus car elle est au garage. Bon, voilà, bah écoute. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Pareil. Donc, on attend peut-être le retour, on verra. Qui vivra, verra. Pour l'instant, on laisse nos gens du Watibé s'exprimer. Il y a beaucoup de talent dans notre équipe. Mmh. Et puis, il y a le retour de Lefa, c'est ce que je disais aussi, on écoutait le morceau. Qu'on ne présente plus et l'intro n'est qu'une intro, mais restez branchés, c'est tout ce que j'ai envie de dire en fait. Ouais, toi aussi, si je te pose des questions, ouais, ça va être rester. J'ai juste envie de te dire restez branchés, tu vois ce que je veux dire. Juste rester branché. Ouais. D'accord, et bah, très et bien. Puis non, pour l'instant, comme je t'ai dit, il y a les artistes du Watibé qui sont là, Charlie Bell, je vous ai entendu parler d'elle tout à l'heure. Oui. Gros talent, mélodiste de ouf. Mon gars Aboutal sur le côté, rappeur, écrivain, technicien. Beau gosse, le mec a trop de... Trop de quai. Il y a Linda à mes côtés. Linda, alors, Linda, qui a pareil. Une voix magnifique et qui progresse de jour en jour. Linda, on l'a entendu hier, elle nous a fait une reprise. De remix Black de Black M, qui est un gros morceau. Il n'y a pas le clip d'ailleurs qui arrive, Linda, ou... Si, c'est ça, la vidéo. C'est un clip, enfin il y a deux morceaux. Ben, un morceau que je vais faire ce soir en acoustique reste. Et on se fait du mal. Donc deux morceaux en un clip, quoi. Qui arrive là. Qui arrive très très bientôt. Très vite. Là. Excuse-moi, président. Non. Continuons le tour de table. Faisons le tour de table. Jérôme qu'on ne présente plus. Avec Doomams qui est là. Avec Doomams qui est Vendetta. Et pendant un an et demi, deux ans, ils se sont enfermés en studio. On prenait nos gifles, on repartait calmement. Et puis la France va prendre ce qu'elle a à prendre avec Vendetta. Hein. T'as écouté le prochain extrait qu'ils vont balancer là? T'as allé ouf. Il arrive vendredi, on pourra pas l'avoir avant vendredi. Hein. Des regrets qu'on ne présente plus, c'est même honteux que moi, petit, je présente des regrets, un grand. Et qui prépare plusieurs projets, j'ai pas besoin de parler à sa place, c'est un manque de respect. Et Masca qu'on présente plus, frère, c'est Masca, le frère, colonel. C'est Blanc, le colonel qui prépare son deuxième album. Vous allez, si vous pensiez avoir entendu Masca, vous n'avez jamais entendu Masca. Deuxième album solo de Masca. À plus tard la France. Merci président, bravo. Barack, qui était là avec nous. À Damas, c'est toujours plaisir de l'avoir aussi dans le studio. Toujours. Entre 20 et 21. Masca, deux, trois petites infos, comme il a balancé sur le deuxième solo, on en est où? Ah non, oui, c'est vrai que... On galère derrière. Bien sûr, il y a mon deuxième album que j'avais annoncé. En fait, Espace-Temps, c'était un projet, un album qui annonçait un autre qui s'appelle Intemporel. Donc, il y a mon album Intemporel qui va arriver. Mais là, je suis en pleine préparation physique, donc je dis rien. Je suis dans ma cave. Et puis, et ça bosse. Voilà, comme il a dit, qui vivra verra. Quand je serai fin prêt, je sortirai de ma grotte. Très bien. Donc, en attendant, eux, ils sont fin prêts. On va écouter maintenant un morceau qui s'appelle Cercueil de Nain. Enfin, un morceau, un freestyle, hein. Les gars, c'est ça plutôt. Un freestyle, c'est pas un son. C'est pas un freestyle. Ça ne figurera pas sur le projet Vendetta. C'est juste un avant-goût. C'est un avant-goût, c'est une mise en bouche. Il est disponible, faut rappeler qu'il est disponible en téléchargement sur wati-b.com. Voilà, exactement. Téléchargement gratuit parce qu'on vous a réclamé ça. Excuse-moi de te couper, Domams. Entre parenthèses, il y a le site wati-b.com et il y a trois boutiques, dont une à Paris, 29 rue de la Ferronnerie, à Châtelet. Une à Lyon, rue de la Poulaillerie. 8 rue de la Poulaillerie, ouais. 8 rue de la Poulaillerie. Et la troisième à Marseille, 31 rue de la République. Merci, voilà. JR, pour ces dernières infos. Allez, on écoute maintenant Cercueil de Nain. Freestyle de Vendetta en attendant le projet. Et le premier extrait vendredi dans l'émission. Exactement. Oh. Vendetta. JR au chrome. cru qu'il cherchait de l'or dans les excréments. Ça? Sign. Qui cherchait de l'or dans les extrêmes. On casse la tête sur le bitume et les pleins gaz, on en parle après. Frappe façon jazz en gros, mais c'est carré vos perroquets. On brise les os pour le kiff, on les jette à la scène. Fonce comme un bison sur la foule au pied de la tour Eiffel. Grave comme le bambal, ça qui casse un peu comme un fil. Les chics, tu l'attends, le corps en hypo, c'est comme une otarisette. Ça qu'on fait les dièses, on file, on passe des coups de fil. Les coups de fil, les fils, les tannous, ça somme à la morphine. Apporte la ville sous les bombes à 240 en auto. Des boules en trompe, fils de gauche, Dominique, Toretto. Que les mecs qui tiennent le caniveau dans les jokers comme des animaux. Que les chics ont plus que pété, qui défigure à la joie. Les gens sont toujours au taquet, que du refus, pas de black et zig. 50 ans, ainsi qu'elle dit, les quatre raisons. Mams de Beauvais, on te vit pas gros. Côté soit typé dans ta gueule avec les compliments du chef. Pour faire le mettre de long couple, les jambes ont 32 ans. Sur ton rencontre, je les grands. On va faire entrer dans les rangs. S'il te plaît, remballe avec mon équipe de nains. Je vais faire un cercueil de nains. Je vais te faire un cercueil de nains. Je vais faire un cercueil de nains. Je vais te faire un cercueil de nains. Même si tu fais 2 mètres 32 ans. Sur ton rencontre, je les grands. Les mecs veulent me niquer parce que je suis sorti de la RSA. Les keufs veulent me péter parce que je roule en Mercedes. Kick depuis l'époque où ça fait ce qu'il a pas qu'en fesse pas. J'arrive en sous-marin quand toi t'arrives avec un Cessna. Toi laisse nous passer à tout ce qu'on veut, c'est ICO. Sans mes pas de récépis, c'est fort. Je sais, je vais pisser ouf. Je m'immisce dans ton faussaire en passant par les tapons. Plus gain temps pour finir dans tes viscères en passant par les veines grosses et ta main de sang. Les criss-cross, niggas. Fut comme Beatis, plus de force sur les renois. Skin crête risible. Les flics blagues sur tous ceux d'Afrique noire qui font le plus de zèle. Elles peuvent te soulever pour un mouchoir, bitch. Je suis dans le couchoir du bus. Toi, cauchemar d'Ibis. Moi, grosse frappe pendant que t'affrontes les couloirs d'Ibis. Si je te dis, c'est que depuis tout à l'heure, tu me parles de petit salaire. Une paye de Pakistanais. T'as l'air d'un petit panette venu d'une autre planète. Le genre d'oiseau que j'abats à l'aide d'une arbalète. Va te faire disparaître tes rêves sur un transpalette. Prêt à décaler pour un duplet où y'a même pas d'air. Plus de salaire, négo, plus que salaire. Reste plus que ton corps de mégot, sonne l'alerte. Pareil que tu viens du ghetto, t'arrêtes, tu ne fais que béton. T'as les fourrés, les réchauds, vite galère. Pour faire te mettre de long coupé, sont 30 dedans. Sont ton rencontre, je les grands. Vendetta, on va faire entrer dans les rangs. S'il te plaît, remballe avec moi. Aïe, ça arrive. Chaud, chaud, de nain. Je vais faire un cercueil de nain. Je vais faire un cercueil de nain. Je vais faire un cercueil de nain. Même si tu fais 2 mètres 30 dedans. Sur ton rencontre et je les grands. Vendetta JR Doumans What it be. À l'instant, donc morceau freestyle, un petit avant-goût, freestyle de Giro Chrome de Doumams. Voilà, et je répète encore que le lien est téléchargeable sur le site wati-b.com pour ceux qui ont envie de se le fumer. En attendant demain, le en gros attendant gros non, vendredi. On est mercredi. Je suis trop pressé. Pas avant, moi aussi, non, on l'aura pas demain. Vendredi, c'est loin. Vendredi, c'est dans, ça va, 48 heures. Dans 48 heures, avant le week-end, vous pourrez découvrir sur Skyrock en exclu le morceau qui s'appelle donc Tarléouf. Avec un gros, mais quand je dis un gros, le gros, je peux le faire très longtemps, cousin. Un et ben gros ouais. clip carré. Un gros clip. Il est balèze, le clip, cousin. Et ben ne le loupez pas, tous ces rendez-vous. Clip carré. Il y a beaucoup d'actu hein, quand même pour le War, hein, pour ouais, le WhatsApp cette année. Hein. Ouais. Cette année, ça va cake, pour tout. Beaucoup d'actu. Dans un instant, on vous retrouvera tous en live. Charlie qui est là, Charlie Bell. Il y a Boutal avec nous, Giro Chrome, Doumams, Charlie, j'allais dire, Linda Sherazade qui est là aussi avec nous, Dry, Maska. Dans un instant, il y a Freestyle qui se prépare. On est promis aussi le morceau de Dr. Belliz. Ouais. À force, un gros à titre. À force. Extrait de son album qui s'appelle 1974. Exactement. C'est ce qu'il nous a dit. Ouais, ce qui paraît, ouais. 1974. Donc le morceau. Alors ce sera pas Code Noir, ce sera 1974. Ne bougez pas, le morceau, on le balance juste après la pub sur Skyrock, yeah. Dr. Belliz. C'est après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit le Watibé pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Watibé. Watibé toute la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock et nous allons passer un morceau qui est dispo ce soir d'ailleurs, hein, c'est un morceau de Dr. Belliz. Exactement. Un gros morceau. Un gros morceau qui s'appelle La Force, je crois que nous l'avons en ligne d'ailleurs, si tout va bien. Allô. Oui, allô. Comment ça va, Belliz? Oh, Ouais, ça va. Comment allez-vous? On te dérange pas. Le corps. Tu entends, il y a... Alors attends, je te dis par ordre d'apparition. Monsieur Tal qui est là avec nous. Il y a Linda Sherazade, il y a J.R.O. Chrome, Doumams, Maska est là, Dry est là. On a même eu le président Barack Adama qui est passé. Barack. Et non, je voulais qu'on dise un mot sur le morceau qui s'appelle La Force qui arrive aujourd'hui, c'est bien ça, hein, Belize? Ouais, ça, bah, écoutez, là, normalement, c'est déjà disponible, le son est déjà disponible, là, sur iTunes et sur YouTube, en vivo. Et là, malheureusement, j'ai pas pu être sur place parce que j'ai une grosse douleur à la jambe et tout, je peux même pas me déplacer. Bah, on a mais, vu ça, ouais, écoutez, ouais, on a vu ça quand tu es passé, ouais, compliqué. Ouais, bah, en tout cas, les choses se passent, donc là, même si je peux pas venir, je suis quand même content, hein, en fait. Et par contre, dis-nous un petit mot sur... Il y a ton projet qui arrive, donc qui s'appellera 1974. Yep. Et qui arrivera là prochainement, enfin... Écoute, là, je suis avec l'équipe, on est en train d'en discuter. Notamment, tous les gens qui sont autour de la table, on sont tous un peu au courant, enfin, comme c'est la famille et tout. Mais ça arrive nécessairement sous peu. On a quand même un doute, c'est sur 1900... Pourquoi 1974, quand même, Belize? On a besoin de savoir. Ouais, c'est tout simplement scientifique en fait. C'est 1974, c'est le jour où ils ont découvert l'écho du Big Ben. La trace du Big Ben. Mais c'est pas mal pour les révisions en ce moment. C'est pas mal du tout. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. D'accord, oui, c'est donc c'est rien à voir avec des dates de naissance en particulier pour toi, parce que je savais que tu étais beaucoup plus jeune que ça. Ouais. Et voilà aussi, elle est née en 1974. C'est sûr. Ouais, c'est vrai que t'as aussi née en 1974. Mais non, c'est plus lié à l'espace, le Big Bang, la construction du monde d'ailleurs. Yeah. C'est de là que tu parles. Parce qu'en fait, l'album, pour moi, il est 100% scientifique. Que de la musique, conscience. Et voilà. De toute façon, les gens qui connaissent le doc savent que le doc, il est un peu perché. Il est dans sa science. Bon bah merci d'avoir été rapidement avec nous en tout cas par téléphone, merci Belize. Bah y'a pas de problème, franchement ça fait plaisir. Et bon rétablissement surtout. Merci. Bon courage à tout le monde et je suis avec vous, je vous écoute là en live. Merci mon frère, on est ensemble. Et on balance le morceau à Force tout de suite, à Force qui est dispo. Yes. Tout de suite, on peut l'avoir, on peut cliquer. À force de dire qu'on n'a rien, on a tendance à se retrouver dans la pente. Mais on s'accroche car l'époque devient rude, on est tombé bien mal. La réussite me paraît loin d'ici. Et pour l'atteindre j'ai déjà des crampes. Mais qui vivra, verra mon épopée. Mais pour l'instant tout roule. Oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Marre de te voir endetter. Il est temps que je te soulage. Je vais devoir m'endetter. Je suis le calme qui annonce la tempête. Je ne suis pas seul sur ce chemin esquinté. J'ai les deux pieds cloués au sol, mais je toucherai le sommet. Je n'ai pas classique comme raison de vivre. J'ai d'autres cibles, sans aucune. Même si je m'épuise, même et quand le public chante, je retrouve la force d'avancer. Et je me défonce. À force de dire qu'on n'a rien, on a tendance à se retrouver dans la pente. Mais on s'accroche car l'époque devient rude, on est tombé bien bas. La réussite me paraît loin d'ici. Et pour l'atteindre j'ai déjà des crampes. Mais qui vivra, verra mon épopée. Mais pour l'instant tout roule. Oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Marre de te voir endetter. Il est temps que je te soulage. Moi, je vais devoir m'endetter. Et plus personne ne pourra me rabaisser. La peine, je rejette son odeur. Le désarroi, je vais plus le toucher. Je ne veux plus le voir, ni même m'en soucier. Je veux que tous mes sens soient comblés, plus sombrés. Que ma famille reste en. Et quand le public chante, je retrouve la force d'avancer. Et je me défonce. À force force de dire qu'on n'a rien, on a tendance à se retrouver dans la pente. Mais on s'accroche car l'époque devient rude, on est tombé bien bas. La réussite me paraît loin d'ici, et pour l'atteindre j'ai déjà des crampes. Mais qui vivra, verra mon épopée. Mais pour l'instant tout roule, oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Marre de te voir endetté, il est temps que je te soulage. Moi, je vais devoir m'endetter. Le temps est passé, je sais qu'il est temps de démarrer. C'est pas le premier essai, ni le dernier, mais je suis paré. À force d'entendre vos paroles, maintenant j'encaisse tous les coups, je suis devenu un. Mais pour l'instant tout roule, oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Marre de te voir endetté, il est temps que je te soulage. À l'instant, sur Skyrock, le morceau donc de Dr Belize qu'on avait en ligne il y a quelques très minutes. Très gros titre. Un morceau qui s'appelle La Force et qui est dispo, on peut l'avoir tout de suite hein, si vous avez kiffé le morceau. Exactement, Sorry Tunes. Énorme, Dr Belize, énorme. J'ai juste un message à faire passer. Vas-y, masque. On m'a chargé d'un message. Il n'y a aucun mytho qui est disponible vendredi à 18h en clip et sur, donc sur Vevo et sur iTunes. C'est voilà, le morceau de qui aucun mytho, c'est H. Magnum et Black M. Et Black M. Gros morceau, voilà. Dont on parlait il y a quelques minutes. Aucun mytho. Voilà. Avec qui est déjà disponible sur iTunes, pardon, et le clip est disponible à vendredi. À vendredi, 18h ouais. Pour retrouver le clip. Dans un instant, il y aura un live avec l'équipe du WA qui est là ce soir dans les studios. Et par téléphone, on va faire un tour du côté de Lyon. Jaïel de Lyon, salut Jaïel. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va toi? Bah écoute, en pleine forme, bienvenue dans le Planète Rap du Watibé. Tu es prêt à rapper? Je suis prêt. Jeune rappeur, 14 piges, on t'écoute, c'est parti. Ok. Yeah. Ma dégaine de taré, je suis venu mettre le paquet, je te vois de loin, t'es au taquet. Mais t'inquiète, plus que des années lumière avant de me tacler. Ta gueule, je suis lancé, impossible de m'arrêter, ne compare pas à moi, pas des qualités. Toutes mes qualités, je suis venu pour mettre le feu Johnny Hallyday. Je crois que c'est une sale idée, vais toutes les faire saliver. Dans le rap, je suis qualifié, tous mes fonds sont validés. C'est de la bombe, la qualité, ils veulent tout du réalité. De l'or, se faire câliner. Ce monde ne sont pas ronds, désolé Calilé. Ils sont tous au même niveau, c'est des alignés. Je prends au sommet comme une araignée. Qui t'a dit que dans le rap, ça allait pas régner. Et moi je te dis que dans le rap, ouais je suis pas saigné. Pas de ma faute aussi, t'es mal aimé. Je suis paré, le mic est allumé. J'entends les rats, je bave et je leur offrirai une bavette. La preuve qu'on peut faire du lourd sans prendre barrette. Et pas tous ceux qui me disent, arrête un petit coup et t'as fait le flow que t'avais. Trop rapide, je crois que je me suis fait flasher. Un haineux qui écoute mes sons, y'a de quoi être fâché. Moi je les rappeurs, je prends le temps de bien marcher. Je n'ai peur que de Dieu, tu peux venir me claquer. Tu vends devant moi, j'entends quand même les rageux rager. Non, j'irai pas me cacher, sans moi tu peux cracher. Je sais que plus tard, mon CD tira lâcher. Poubelle verte, poubelle grise, je sais pas, je sais juste que ton flow est acheté. Ok. Yeah. Jaïel à l'instant, en freestyle ouais. Par téléphone. Merci à toi, Jaïel. Bah, petite dédicace. Petit bon, dédicace, toi, vas-y. Frérot. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net, vas-y. Jaïel officiel sur YouTube. C'est J-A-Y-E-L, hein. Ouais. Ok. Ok, je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, dédicace à tous les Mahamdi, les Sled. Dédicace à mon frère Yanis, Kenzi, à Aaron, mon cousin qui m'écoute, Léo, et à mon père et à mon collège Bellegarde. Eh bah, ça roule, merci à toi, Jaïel. Merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock, le Planète Rap. On est parti pour le live maintenant. Charlie, yes. Tu es prête? Linda aussi. Oui. Elio est là dans le coin. Ah, Dry est en train de répéter ses punchlines. Il n'y a pas de punch. Girochrome, Doomams aussi, ils sont là. C'est parti quand vous voulez, en live dans l'émission. Session freestyle. Charlie Bell. Yeah. just chill with me. As long as you're comfortable and you feel secure when you're with me. Cause I'm not trying to pressure you. Just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my boyfriend. I just wanna know your name. And maybe sometime we can hook up, hang out, just chill. Mais fais pas n'importe quoi quand tu passes après moi. Quand t'es riche, les femmes te trouvent charismatique. Ouais, c'est ça, ferme-la, vas-y, charisme. On sera si influent que keuf, on dira babier. J'sortirai malias quand ils me demanderont mes papiers. Plus des découvertes, galerie de la faillite. À acheter des couverts aux galeries Lafayette. Mon banquier au désert boira mes molars. Et au dessert, c'est lui qui cavalera mes bobards. J'épouserai une femme pour son beau baraba. Et j'divorcerai si les beaux parents parlent. La France veut m'expulser, mais fallait pas. J't'explique comment j'vais la mettre à l'état. Je ferai une marque de string avec ma tête dessus. La première dame de France l'aura dans le cul. Ça je le ferai sans hésiter. Je construirai une mosquée sur les Champs-Élysées. Juste pour les emmerder. Ouais, juste pour les emmerder. Ouais. And if you don't know, now you know, nigga. DJ Cream, DJ Cream. DJ Cream, DJ Cream. Linda, j'arracherai moi-même mes yeux pour ne pas voir ton départ. Je me ferai sourde et muette si tu restes avec moi. Je jouerai des rôles, je serai cet autre si tu restes. Je nous inventerai un monde si tu restes. Reste, reste. Pardonne nos faiblesses. Reste, reste. Excuse les mauvais mots et les gestes. C'est doux. Merci. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. L'amiral des R. L'amiral des R. L'amiral des R. L'amiral des R. L'amiral des R. Aboutal. L'amiral des R. DJ Cream 9-4. Écoute ça. 7-5-0-0-9. 9-4-310, poteau. Si, si. Si ta vie se noie dans le fleuve, la banalité. Moi je nage où les balles pleuvent par rivalité. On cherche le bonheur même sans moralité. Avec ou sans honneur, fuir la précarité. Moi ma life est aussi simple qu'un casse-tête. Entre Cuba et de blues, je signe des casse-têtes. Moi pas de Godreau mais des 12 qui s'achètent. Quand certains découpent leur destin à la machette. Tu sais j'ai fait le tour des briques, des bacs. Trop vu de briques à braque, de gros brinks qu'on braque pour banquer. La musique fut de des clics, des claques sur des hits, des plaques. On fornique les charts pour s'élever. Aujourd'hui plus besoin de cric, non. Pour soulever le poids des doutes. Moi je cours les yeux fermés en reculant sur une poutre. Rien à foutre. Quête la buée sur mes casales. Si je les efface comme hasard, y'a pas de hasard, non. Y'a pas de hasard, non. Si je les efface comme hasard, y'a pas de hasard, non. Y'a pas de hasard. Si je les efface comme hasard. Toi tu sais partir, n'en manque, t'es fraîche. Vends les mecs, fauchés, tu te prends pour les vrais. Négro, c'est pas une meuf pour what? Est-ce clair? Tu veux la gérer sans gamos? Espère. Seulement 15 000 abonnés sur Instagram. À moitié dénudé, t'es prête à tout pour clair. T'aimes pas mon son, mais tu veux ton pass backstage. T'aimes pas les cas. Non mais t'enchaînes les deux face. Et tu me dis pourquoi je trouve pas de mec bien. Pourquoi les mecs se comportent tous comme des ta gueule parce que t'es stupide. Matériel est stupide, stupide, et stupide, et stupide, et stupide. Et tu te crois super intelligent et mature. Hélas, la seule raison pour laquelle on t'écoute sont tes obus. Sinon t'as pas un 06, je crois que j'ai le coup de foot. Non. Bon ok, va te faire foutre. Déchine ses cailles. Viens, on change. C'est le WTB. Mets-moi un petit son de guerre là, poto. Là. C'est le WTB. Gyrochrome. C'est trop doux. Vendetta. Ok. Wouh. Ah, Gyrochrome, section de fou aussi ici. Doumams. Wouh. En ce moment, je suis d'humeur noire. J'écris, je remplis des pages tous les soirs. Comme mes potos gros, je me fracasse aux ophages. 1, 2, 1, 2. Là, les justiciers masqués, mais sans les caps. Du bon taf, signé V-E-N-D-E-D-T intro. Charismatique pour rester dans l'anonymat. Au niveau de vous, ceux qui bloquent à l'hôpital. Ouais, ouais. Dialoguer sans être brutal, on a du mal. Mais sachez que le savoir-vivre n'existe pas chez l'animal. Je suis violent comme le Tabata. Paris, c'est Manhattan qui s'embrasse. Mais sans les tours qui font plus de 50 étages. J'ai l'heure de rendre à César ce qui leur vient sans faire de face. Number one, ok, mais y'a pas d'équipe sans quarterback. Tu ferais mieux de tourner ta langue avant de les pas. Une rafale, ça vaut pas moins d'un salaire pour un smicard. On se sait, tout le monde connaît les plus gros blazes à Paname. Uzi Gold 45, grenade ou calage. La vendetta. La vendetta. Vendetta. La vendetta. WTB sur Skyrock, vendetta. WTB sur Skyrock, vendetta. WTB sur Skyrock, vendetta. WTB sur Skyrock, vendetta. À l'instant en live. Gros live sur Skyrock avec Mademoiselle Charlie Bell. Avec Linda Sherazade aussi, pareil. Donc ça, c'est Linda, un petit extrait du clip qui arrive, hein, que tu nous as c'est fait. C'est ça, c'est ça. C'est Reste en acoustique, la version acoustique, et On se fait du mal, le remix. Tout ça ensemble. Donc, très bien. Un clip. Voilà, à suivre prochainement. Voilà, c'est ça. Charlie, c'était un petit retour en arrière avec Biggie. J'ai fait un petit kiff. C'était bon. un bon petit kiff celui-ci. Ouais. Et puis toi, pareil, on t'attend aussi pour la rentrée de 2015. Exactement. D'ici là, il y aurait eu beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un petit point sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer durant cette semaine ou à Tibet, puisqu'on est au milieu de la semaine. On a pu entendre tout à l'heure le morceau de Dr. Belize, qui est très, donc très gros morceau. Qui est donc dispo dry dispo, tout de suite. Bien sûr, sur quoi, Fred? Sur iTunes. Sur iTunes. Il suffit, il suffit d'aller cliquer. Sur iTunes, voilà, en tout cas, voilà. Voilà, vous pouvez aller cliquer tout de suite et le récupérer. Ouais. Que vendredi, il y aura Vendetta, le projet Vendetta avec un premier extrait, Gyrochrome, voilà. Doumams. Premier extrait, Tarléouf. Voilà, Tarléouf. Tarléouf, ça arrive vendredi, on peut pas l'avoir avant, c'est pas possible. Ça arrive vendredi. Le dessert, c'est vendredi. Là, t'as eu le plat de résistance. Ne vous coiffez pas vendredi artistes, parce que voilà. Vous allez être décoiffé. Comme elle a dit, toi, carré plongeant, brushing, bouclette, tout. Cousin. Oubliez tout. Eh, le studio, il va voler, poter. Ah ouais, gros. Donc, ah. Ça arrive vendredi. Ça arrive vendredi. En attendant, il y a toujours Cercueil de Nain qui est chargeable sur www.wati-b.com. Et voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Et avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette dans un instant, tiens, les inscriptions 41759. Vas-y. Chez moi là, qui est venu, cousin, Diru, on l'appelle Zek chez nous. Voilà, le petit Zek, il est là dans la place. Voilà, bon délicat. Salut à ces gars, Diasparo, tout ça, l'équipe, tous les petits kikik de chez moi. Des bons petits rappeurs qui arrivent là. Au calme. Elio. Ok. Et la Pétronation. La Pétronation est là, toujours. J'ai cru que t'allais m'oublier, mais non, ouais. J'allais t'envoyer la Pétronation sinon. T'étais dans la merde. Pas du non, tout. Comment je pourrais t'oublier? Ah, on sait jamais, mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bah, la dernière fois, on a fait écouter le premier extrait du projet. Un extrait du premier extrait, Anakin. Bientôt sur Internet, le projet arrive. Il est Anakin, terminé, ouais. Il est bouclé. Et voilà, voilà. Sortez vos épées de Jedi. Ouh, oui, parce arrive. Que je rappelle qu'Anakin, c'est évidemment. Dark Vador. Le prénom de Dark Vador. Voilà, exact. Voilà, c'est beau, j'ai bien retenu cette fois-ci. Yes. Avant de se quitter, est-ce qu'on se refait pas un petit coup de ma jolie, ma calée. Bien sûr, avec plaisir. C'est parti. Allez. Cream. Let's go. Ah, je crois qu'on a pris un peu de cours, Cream. Bah, on va rappeler juste qu'il y a un petit jeu, hein, si vous voulez. Bah, tiens, sur le on morceau, rappelle par qu'il exemple. Y a un petit jeu. On vous propose de nous envoyer toutes vos vidéos sur le refrain du son Ma Jolie en utilisant le hashtag Ma Jolie sur Instagram, Twitter, Facebook. Envoyez-nous tout ça et on repartagera. Donc, par exemple, là, vous êtes en train d'écouter la radio. Vous prenez voilà, le portable. Vous d'ailleurs, filmer. je vais faire une vidéo moi tout de suite. Là. On peut en faire une tout de suite. Ouais, tout de suite. Moi, je suis chaud pour faire les bacs là. Vas-y, y a pas de souci. Allez, ma Kelly, Ma Jolie, c'est parti maintenant. Les Chines s'écaille pour conclure. Ce Planète Rap spécial Watibé ce soir. Chez toi t'es une sainte mais en bois tu nous roules. Ma soeur tu nous mets dans l'embarras. Malgré ça t'arrives à charmer ceux qui refusent de voir. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ah, enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage. Ma télé, celui dont tu n'es pas fier, ma télé. Tu sors dans le dos de tes frères, ma télé. T'excelles dans savoir-faire, ma télé. Dans le club mendiant, du champagne aux gens. Clochard ne fait pas semblant. Tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non, non, non, non. Dis-moi qu'es-tu prête à faire pour l'oseille. Tu nous fais ta princesse, en effet, tu ne manques pas de cran. Tous tes fils de chaise sont faits par intérêt. Tu crèves des cœurs pour crever l'écran, j'ai dit. Mac, elle est Mac, elle est Mac, elle est un. Non, mon gars, pas, tu ne l'intéresses point. Si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Mac, elle est Mac, elle est Mac, elle est un. Dis Mac, elle est Mac, elle est Mac, elle est un. Non, mon gars, pas, tu ne l'intéresses point. Si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Mac, elle est Mac, elle est Mac, elle est un. La Wati Bouti. Oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Chine Sekai, ça arrive, ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. Maquilleuse, maquilleuse. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage. Un décliné arrive à grands pas, moi. Ma gueule. Yeah, yeah. Tu sors dans tes frères, ma télé. T'excelles dans savoir-faire, ma télé. Greg, en tout, la famille en ensemble. Pour nous embrouiller l'esprit. La seconde où tu redeviens toi. Je vois les hommes taper un sprint. N'essaie pas te renier. Accepte le visage que maman t'a donné. Montre-moi la vérité. Il y a que ton miroir qui te reconnaît. Grosse dédicace à Tadjou, Erma, Esma. Je sais que tu m'écoutes. 1, 2, 3, après cadabre. Merci le contouring. Ce n'est pas de ta faute que tu vois là. Dadju te pousse à toujours vouloir être. T'as pris l'air. Réagis, prends confiance en toi car tu nous fais de la. Reviens, reviens, reviens. Ma jolie, oh ma jolie, clair, clair. Ma jolie, oh ma jolie, clair, clair. Ma jolie, oh ma jolie, clair, clair. Ma jolie, oh ma jolie, clair, clair. Enlève un peu tout ton maquillage, yeah. Maquillage, yeah. Maquillage, yeah. Enlève. Enlève un peu tout ton maquillage. Nous ton vrai visage, ma quelle. Suis donc tu n'es pas fier. Ma quelle. Tu sors dans le dos de tes frères. Ma quelle. T'excelles dans savoir-faire. Ma quelle. Le son est dispo sur YouTube et iTunes. Allez vous le procurer. Indéfini. Indéfini. De Shin Sekai. Aïe. Ma jolie, à l'instant, le morceau de Shin Sekai, Indéfini, l'album arrivera aussi. Le tube aussi de l'été. Avant la fin de l'année 2015. Merci. Exactement. À vous tous, en tout cas, pour cette soirée. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Let's go. Skyrock t'offre le nouvel album de Nekfeu, celui de Big Flo et Oli, plus 100 chèques cadeaux de 50 euros. Skyrock. Skyrock. Salut Théophile, comment ça va, Villeneuve d'Ascq? Ça va, tranquillement. En pleine forme, toi t'as quoi? Des examens, c'est les vacances, qu'est-ce qui se passe pour toi Théophile? Bah là c'est les vacances, je fais une semaine de stage parce que je suis en seconde, mais là on a rien de spécial. Ah ouais, c'est la seconde c'est bon, y'a rien à faire, tranquille, ouais c'est les vacances quoi. Ça a débuté Théophile, t'es bien. Ça marche. Eh bah terrible, tu es prêt à faire tourner la roulette, les vacances commencent bien avec Skyrock, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Ok, ça marche. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case Théophile, c'est... album de Nekfeu, album de Big Flo et Oli et 50 euros en chèque cadeau, on t'envoie ça à la maison. Ça marche, c'est nickel, merci les gars. Eh ben merci à toi Théophile, passe une bonne soirée. Merci à toi aussi. Ciao, bonne soirée à tout le monde. On va faire un petit dernier tour de table pour vous remercier. Les petites dernières dédicaces aussi si vous avez envie, c'est le moment ou jamais. Merci, merci Linda. Attends, on va être galant, s'il te plaît, Tam. Ah, putain, excuse-moi, je suis vraiment, excuse-moi Linda. Merci Linda. Merci à vous, merci à vous. L'album arrive très très bientôt. J'ai déjà le nom de mon album que j'ai déjà annoncé, qui s'appellera Papillon. Donc restez branchés, restez à l'écoute. Voilà, restez à l'écoute. Merci Charlie aussi d'être passé. Charlie Bell que vous retrouvez pour l'instant sur les réseaux sociaux et en studio. Pour ceux qui ont la chance d'être en studio avec toi. Voilà, j'en saurai plus à la rentrée en septembre. Voilà, rentrée septembre, merci d'être passé ce soir. C'est bon, je peux parler. Non, je te garde pour la fin. Le meilleur pour la fin. Non, je vais saluer Masca qui était dans le coin aussi et qui nous a quittés. Le président Barack Adamé qui nous a quittés aussi. Ouais. Qu'on salue en tout cas Girochrome, Doumam. Okay, rendez-vous vendredi, merci. Vous êtes là. Rendez-vous vendredi, des grosses dédicaces aux mecs qui sont en prison là, qui sont en train de galérer au mitard ou en cellule, tout ça, qui nous écoutent. Franchement, grosse force à eux. Il y en a trop et voilà, grosse dédicace à Soma, Olnesu. D'ailleurs, on va saluer Selim du 9-4 à qui on passe une grosse dédicace. Il y a aussi, bon, salam alaikum, t'as vu, bah, c'est, il y a Salim là, Salim il vient juste d'arriver en train. Gros yeux qui vient d'arriver. Tous nos amis de Route et d'Infortune là, hein, bah, un peu de force pour Salim. Hein, ouais, on salue Salim en tout cas très fort. Un 6-4 aussi, Meskine, hein, 6-4 il a rifle, t'as vu, et tous les autres, Halim aussi, Clash, qui est dans le sud là-bas, puis bon, tous ceux qu'on a oubliés bien sûr. Hein. Ouais, Idriss, Boubou. Merci gros yeux d'être passé. Hein. Bah, c'est moi qui vous remercie. On attend le morceau pour quoi 2015-2016 aussi du bon coin, choisi Laurent. Et en tout cas, merci beaucoup, Poto. Hein. Ça a été une petite. Y'a rien, gros yeux. C'était le grand frère. Allez, fais-nous rêver encore une fois, là, t'as vu. Hein, Drive, fais-nous rêver. Fais rêver la France. Fais-nous rêver comme Valenciennes. Ce sera vendredi avec Vendetta, le morceau à pas louper. C'est signé gros yeux, Jacques Cartier. Voilà. Merci à vous tous. Il aime Malik, là, de Savigny. Gros yeux, c'est vrai qu'on lance sur les dédicaces. Mon petit Mehdi là qui nous écoute à la cité. On n'est pas sûr. Mais bon, Foussini aussi. Ah bah. Merci en tout cas. Poutino. Et donc Tal, tu vois, je viens vers toi pour conclure ce Planète Rap. Bon, voilà. Je tenais à remercier aussi tous les Wattie supporters qui ont participé. Nous avec sommes entêtés aussi ce soir. On est entêtés aussi, donc merci à vous tous qui participez chaque soir avec le hashtag Wattie B sur Skyrock. Merci à vous. On vous rappelle que le morceau de Dr Berry's A Force est disponible sur iTunes et sur YouTube, ainsi que le son Majoli qui est disponible aussi sur iTunes et le gros clip Majoli sur YouTube. Merci Elio, Petrodollar. Les artistes qui étaient là ce soir, merci à vous les gens. Moi je voulais juste faire une petite dédicace à tous mes gens, Agnières, les Mourinous. Wesh face, c'est comment? Merci à vous tous, on va retrouver Tifoun maintenant. Et oui, c'est l'heure de la radio libre, il est moins 10. Il est moins 10, bienvenue Fred. Pile poil. Et demain, juste avant 20h, c'est Planète Rap, c'est à pas louper. Oui, à pas louper, demain le retour avec l'équipe du Wattie B. Eh bien, on sera là avec l'équipe du Wattie B. Et le grand Fredo aussi. Bah, bien sûr. Bien sûr, bah, bien sûr. Bah, nous, c'est parti, radio libre. En toute humilité. En toute humilité, Fredo, bien sûr. Radio libre 01 53 40 30 20, allez-y, appelez-nous. On est là jusqu'à minuit. Ouais. Vous voulez faire les cons avec nous, vous avez un truc à dire, vous profitez. On aura une petite surprise ce soir aussi au téléphone, mais oui, une petite surprise. Oui. Un grand clash aussi à retrouver. Et on arrive tout de suite, Fredo. Eh ben, j'espère bien. Allez, Fredo, je suis là. Il n'y a pas un petit oh là pour commencer, comme hier. Il faut dire que j'ai perdu mon backer. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Entre hier et aujourd'hui. Tal, tu veux pas me filer un coup de main? C'est pas faire les OA, toi? Oh, le tricheur. Ah, vas-y, tu me disais quoi, pardon, Karim? J'aimerais bien que tu me fasses un OA. Mais rien de plus naturel. En même temps, en plus, c'est Fred, j'ai deux bouches dans ce cas-là. Oui, je suis le mec normal. J'ai deux bouches. C'est comme les cascadeurs. Fred, tu as inventé la première doublure radio. C'est ça. Je la vois un peu plus, avec un peu plus de contenu qu'hier. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu à travailler un petit peu. Eh ben, coup d'envoi pour la radio libre, c'est parti jusqu'à minuit. Merci Fred, ciao. Salut Wattie B. La radio libre, c'est tout de suite sur Skyrock. Ciao. Le morning de Difool.